بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمدمج أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع أثرهم واكتفى. أما بعد، كيف يقول يرسس؟ C'est bien hier. Donc on rentre. Vous avez compris c'est quoi Yanni? H al khulasa de la règle des chiffres et des dénombrés entre 3 et 10. Entre 3 et 10, c'est le tamiz est toujours féminin. Il est toujours féminin. Singulier, tu veux dire. Tu veux dire il est toujours nakara. Ouais, il est fini par atteindre la botage. Non. Le chiffre, tu parles. Non, ouais. Donc le chiffre, tu parles. La hadad. Ouais, les féminins. Les féminins, c'est quoi? C'est ce qui est dénombré est masculin. Il est masculin. Voilà, l'axe. Si jamais dénombré les féminins, le chiffre restera masculin. Tiens, ça c'est pour le chiffre. Et le dénombré, on va voir là trois trucs. De 3 à 10, le dénombré, tu dois observer trois choses avec lui. Ok? De quoi? Et Nakara, rajoute. Le chiffre. Ah, non, le dénombré, tamiz. Le tamiz, pardon. Ah, les nakira et Moudaf Ilaih. Moudaf Ilaih et Kadalik, il est. Jam. Le pluriel. Entre 3 et 10. Thalathatu tullabin, thalathatu rijalin. Tu dis pas thalathatu rajulin. Donc, ça, c'est al-khulasa dans la leçon numéro 20. Ou plutôt 19. Donc le vocabulaire vite fait. Athaman, c'est quoi Athaman? C'est quoi? Vas-y, j'interroge là. Le prix. C'est quoi Nus? C'est quoi Ar-Rial? Saoudienne. Ou Rial, ça peut être Kadaka ou Yémeni, parce que c'est des Yémen. Rial. Et elles sont plurielles? Des Rial. Rialat. Tiens, Djem. مذكر أو اسمه مؤنث سالم. الحافلة c'est quoi? L'autobus. Son pluriel. Tu rajoutes. حافلات كهريالات. السؤال. Question. Question. Une question. Son pluriel. أسئلة. أسئلة. البلد. Le pays. Son pluriel. En fait c'est le pays, la ville, la cité. Bilad. Bilad. C'est plus la Bilad. Bilad. C'est quoi? C'est l'Europe. Ramza, معروف. Mukhtalifa. Mukhtalifa? Mukhtalif, c'est. Différent. Différent. Al-Yom? Al-Yomu. Al-Yom, c'est aujourd'hui. Al-Yomu. Al-Yomu, c'est ce jour. Le jour. Le jour. Al-Qarsh, c'est les sentiers. Rakib. Rakib. Kib. Le kef. Rakib. Rakib. Son diam, c'est quoi? Rukab. Rukab. Passager. Rakib, c'est celui qui est Rakab. Il monte. Yarkab. comme tu vas monter sur ta monture. Al-Rakib, c'est celui qui monte sur la monture, donc c'est le passager. Qadim, Qudama, son pluriel. Al-Jaybou, la poche. Son pluriel. Al-Maniya, Malaysia. Al-Yunan, la Grèce. C'est le cas dans la fausse France, c'est le cas. قال الدرس العشرون ليلى قالت يا سلمى أفي فصلك طالبات من الص تمام يا سلمى أفي فصلك طالبات من الصين واليابان et donc par la Salma lui dit y a-t-il dans ta classe des élèves ou plutôt des étudiantes qui viennent de Chine et du Japon non c'est mieux lisez les exercices تمام قال سلمى نعم في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثماني طالبات من أندونيسيا. Donc il y a des noms, il y a des nouvelles étudiantes. Cinq d'entre elles dans ma classe, tamam? Et cinq d'entre elles sont des viennent de la Chine. Quatre d'entre elles viennent du Japon et huit d'entre elles viennent de l'Indonésie. Donc regardez comme elle a dit أربع. Elle n'a pas dit أربعات. Pourquoi ? Parce que ce qui vient après, c'est quoi ? C'est féminin. Talibat, c'est féminin, ça ? Donc, il y en a le chiffre, il faut qu'il soit masculin, comme on a pu voir dans la leçon précédente. Donc là, c'est la même chose, sauf que là, il y en a le dénombré, le témis, il est féminin. Donc toi, tu dois accorder le chiffre qui vient avant en le mettant quoi ? Masculin. Pareil, entre 3 et 10. Ce qu'on va voir, entre 1 et 2, tu dois accorder comme si jamais c'était un art. Talibatun wahida. Tu dis pas wahid. Tu fais le il y en a entre les deux, entre le chiffre et le dénombré, ce sera quoi? Ni'at ou man'out. Talibatun wahida. Talib wahid. Au cas de cas pour le muthanna. Tu dis taliban. Tu dis pas taliban ifnan. Taliban. Talibatan. Donc tu ramènes la marque du muthanna. Qalat Layla. Wafi fasina thalathu talibatin min al-Hind. Wasitu talibatin min al-Philippines. Donc elle nous dit dans ma classe, il y a trois élèves, trois étudiantes qui viennent de l'Inde, six qui viennent de Philippines, et sept qui viennent de la Turquie. Elle est n'importe quoi, tu dis quoi? Thamani yatou. T'en as exactement pour toi. Il dit Kam ukhtan laka laki ya Layla. Combien as-tu de soeur ya Layla? Faqalat Layla li thalathu akhawatin. Li thalathu. Elle n'a pas dit thalathatu. Pourquoi? Parce que akhawat c'est féminin. Salma, wa kam akhan laki? Qalat li khamsatu ikhwa. J'ai cinq frères. Donc là il revient un petit peu pour te rappeler que quoi? Lorsqu'il est masculin, féminin plutôt? Ou parce que n'am, lorsqu'il est féminin, lorsque il est masculin, tu dois mettre quoi? Au féminin. Lakin la ikhwa. Il était marbouta là. Kif? Non mais là, il était marbouta. On a dit, si jamais le dénombre il est féminin, le nombre d'al quoi? Masculin. La ikhwa, elle était marbouta. Pourquoi elle a dit khamsatu? Elle a dit khamsu. Parce que ikhwa, elle était marbouta. Sah? Amla? Ah, tu ikhwa, c'est masculin. Ikhwa, c'est masculin. En fait, c'est c'est un féminin lafzi. C'est un. Comment ça s'appelle lafzi? C'est un. Mouanet lafzi. T'as vu? Lakin, c'est pas un masculin. C'est pas un féminin. C'est un masculin qui s'écrit comme un féminin. Ikhwa, akin tamarbuta. Parce qu'ils disent la marque du féminin, parmi les marques du féminin, c'est tamarbuta. Lakin, Hamza, c'est féminin. Hamza, c'est masculin. Talha, c'est féminin. Ubaïda, c'est féminin. Kathir. C'est pas tout ce qui se finit avec une tamarbuta qui est féminin. Lakin, tu l'as, Layla. Moi, je suis Lakin, le sens, c'est quoi? Féminin, masculin. Féminin, je veux dire. Aïcha, là, c'est féminin. لفظي ومعنوي عائشته يا نعم عائشه خديجه tout cela يعني ايش c'est féminin à l'oral et dans le معنى dans le sens اما حمزه c'est féminin dans à l'oral لكن c'est masculin dans le sens تمام donc ikhwa même si ça se finit avec une t marbouta c'est pas féminin donc faut pas se faire avoir avec une t marbouta c'est pour ça qu'ils ont dit khamsatu parce que ikhwa c'est quoi masculin معروف ikhwa c'est les frères le frère c'est pas féminin قال لي خمسة إخوة تمام قال سلمى لك ثلاث اخوات وخمسه اخوه donc là ils ont mis entre les deux ثلاث اخوات parce que c'est féminin après وخمسه اخوه parce que c'est féminin masculin après donc la vie le nombre au féminin قالت ليلى نعم وكم اختا اخا واختا لك قالت لي اربع اخوه واربع اخوات بكيسان في الصوره كده ا partir du moment qu'on a compris qu'il fallait faire un inversement entre les deux la leçon elle est simple il y a rien de nous قالت ليلى لي زميله اسمها خديجه لها ثمانيه اخوه وثماني اخوات الا وي فرير اي وي سور خديجه خلاص donc la leçon elle se termine sur ça donc la leçon elle est simple la leçon numéro 20 elle est simple c'est un résumé de ce qu'on a pu voir avant c'est un résumé de ce qu'on a pu voir avant là c'est le dénombré lorsqu'il est féminin tu dois mettre le nombre au masculin comme on a pu le voir l'axe est tamam c'est l'axe il y a un nouveau t'inverse bas ce qui est de nouveau c'est comme il a dit thaman parce que aslan tu dis thaman thamanin thaman 8 mais lorsque on a pu voir entre les deux il y a une comment ça s'appelle une apparence une comment ça s'appelle une annexion entre les deux donc tu peux pas annexer thamanin hakaza tam et c'est معروف le nin هنا il est عوض عن الياء il vient remplacer la tanwin là elle vient remplacer le ya tam vient remplacer le ya thamanin comme مثلا tu vas dire al ma din ou ma din pour dire le passé tam un passé ma din لكن الاصل c'est quoi ma din لكن ma din c'est ثقيل ma din et donc ils ont enlevé le ya et l'ont remplacé par quoi une tanwin tam vas-y اقرا واكتب fais le premier chacun une colonne ثلاثة ثلاثة ثلاثة طالبات طالبات ثلاثة نعم moi je vous conseille d'exagérer quand vous lisez أربع طالبات ثلاث طالبات نعم vas-y أربع طالبات نعم خمس طالبات سيتو Chacun en lit 7. Hein? Chacun en lit 7. Fi. Fi. Fi. Fi, c'est quoi? Harfou jar. Donc, si on a fait, majrour. Fi beytina. Fi beytina. Fi beytina, thalath ghurfatin. Là, regarde bien. Ghuraf, c'est le djem de quoi? Ghurfa. Tam, ghurafin. Ghurafin. بيتي بيتي تي تي تي لنون متكلم بيتنا او الناس نحن دون notre maison et chacun il traduit aussi نعم vas-y في بيتنا ثلاث غرف تجاها dans notre maison il y a trois chambres تمام après في الجامعة في في الجامعة في الجامعة تي تاتو تين تين تو نعم pourquoi تي اه نعم في الجامعات في الجامعات عشر حافلات moi je te conseille de faire comme si jamais tu étais en train d'épeler la lettre حافلات حافلات نعم vas-y ça veut dire dans l'université, il y a 10. Bus. Ah, autobus. Autobus. Bada. Non, ça. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Là j'ai oublié, j'ai pas entendu. Madrasati. Pourquoi? Pourquoi c'est la harf djar aussi, non? Comme la harf djar, elle est entrée dans Hadi. Pourquoi lorsque le harf, harf jar, yani lorsque une chose y'amal, t'amal fait wahed bas. Ouais. Apprends pas de amal. Comment t'en arrives à dire madrasati? C'est juste, hein? Ouais. C'est madrasati. Lakin, pourquoi? Donc madrasa c'est quoi? Madrasa c'est quoi? Non. Si jamais hadihi elle peut sauter, c'est-à-dire que madrasa c'est prendre. Ouais. Si jamais hadihi il peut sauter, c'est-à-dire madrasa il prend sa place. Ouais. Donc c'est un badal. Al madrasa ouna c'est un badal. Parce que tu peux dire fi hadihi, mais tu sais de quoi je parle. Fi hadihi thamani mudarrisat. C'est ça que je suis en train de te montrer l'école là. Fi hadihi thamani mudarrisat. Je ne te fais pas une ishara, mais directement, dans le madrasati, 8 madrasati. Hadihi ou madrasa, tu sais que c'est la même chose. C'est la même chose. Là, il peut prendre la place de l'autre. En fait, madrasa, il prend la place de hadihi. Et ça, c'est là le sens du bedel. Et le bedel, il suit le mot bedel min, celui qui a remplacé dans son inclinaison, dans sa déclinaison. C'est-à-dire, s'il est majrour, c'est un majrour. C'est juste qu'il est associé à la hafidja. Ouais, non, pourquoi? Parce qu'il prend la place de l'autre. C'est-à-dire qu'il prend le jugement de ce qu'il a remplacé dans sa déclinaison. S'il est majrour, majrour. Et s'il est marfou, marfou. Ce qui est avant, ne remplace ce qui est avant le majrour, il sera majrour après. Comme c'est le cas. Fi hadi. Là, tu as dit. Ah ouais. Hein? Ouais. Dans cette école, il y a 9. 8. 8. Professeur, enseignante. Enseignante. Vas-y. Ouais. Abbas. Abbas. Sun Simsem. Abbas. Il y a une chose avant? Non. Donc. Abbasun. Abbasun. Abbasun. Lahu. Non. Sabru. Danat. D'ailleurs. Abbas, il a 7 enfants. Fille. Ouais. Fille. Beit. Tina. Tina. Fille. Beit. Tina. Tis. Tis. Tis. Rou. Dadjadja. Tina. Ça veut dire quoi? Dans ma maison, il y a. Dans. Hein? Dans. Ma maison. Regarde bien. Fille. Beit. Tina. Dans. Hein? Beit. Tina. Beit. Tina. Beitina, ça veut dire quoi Beitina? C'est ma maison, hein? Dans nos maisons. Ah ouais, dans nos maisons, ouais. Il y a? Dans nos maisons, il y a 8 poules. Tissa, hein? Tissa, c'est combien? 9. 9. Ah ouais. Il y a 8 poules. Il y a 9 poules. 9 poules. Tu vois, Bardel? Fil. في الجامعات في الجامعات في الجامعات في الجامعات في الجامعات في الجامعات خمس كليسات كليات كليات كليات تدير quoi Dans l'école, dans l'université, il y a 5, ça je connais pas ce mot-là, facultés. Il y a 5 facultés. Ou tu diras, il y a 5 facultés dans l'université, en français. Ouais. Dernier. Il moustachfa, ashru, tabib, tabibatin. وأربع ممرضات donc ممرضات c'est la fermière. Dans l'hôpital il y a 10 docteur, ouais, et 4 infirmiers. Vas-y, à toi. Alhamdulillah. Khalidun له ثلاثة أبناء أبناء أبناء ثلاثة أب أبناء وأربع بنات أليخ خالد أ بوسيد trois filles trois trois أبناء أبناء c'est trois enfants trois garçons que enfant c'est le walad la walad la walad il y a trois filles le bint tam donc il a trois garçons et quatre filles tam li khamsatu ikhwadin wa sittatu wa sittatu na wa sittu wa sittu akhawati akhawati tam j'ai cinq frères et six sœurs. في هذا الكتاب في هذا الكتاب عشرة دروس. Pourquoi tu dis kitab? لأن كذلك حرف في وبدل. وبدل. Tu peux dire في الكتاب عشرة دروس. Comme tu peux dire, et le fait que tu dis في الكتاب, donc ça montre que kitab peut remplacer quoi هذا. Donc في هذا الكتاب عشرة دروس, c'est-à-dire. C'est-à-dire dans ce livre il y a dix cours. Dix leçons. Dix leçons. Okay. لنا أربعة أعمام أعمام من أعمامنا أعمام من لنا أربعة أعمام وخمس عمات. Ce qui veut dire? Ça veut dire nous avons quatre أعمام. C'est pas le plein de imam la imma. أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام أعمام في بلدي في بلدي خمس جامعات dans mon pays il y a cinq جامعات université عندي ثلاث لا t'as sauté un في ذلك 13 le 13 j'y suis tu عندي donc c'est quoi le 14 le 14 c'est في ذلك ah c'est inversé c'est inversé عندي ثلاث مجلات مجلات جي 3 مجلات سي با مجلات مجلات سي با سانغلي با سانغلي لو سان سالير دات ان تروك سالم فيني سالم سي مجل مجلة مجلة مجلة جورنال جورنال J'ai trois journaux. J'en dis trois journaux. Journaux. Les journaux, après. J'allais dire les flemmes. Yeah, dernière. Fidèle, tamani kalimat jadidat. Jadidat. Déjà. في ذلك بدل درس et donc ça veut dire dans في ذلك الدرس dans ce cours il y a 8 paroles nouvelles 8 nouveaux vocabulaire paroles ouais ça c'est pour vocabulaire ouais كلمات c'est vocabulaire à chaque fois il dit les كلمات الجديدة Les kalimat, c'est vocabulaire en français. Tu dis pas en français. Ouais, des paroles nouvelles. Des kalimat. Ouais, mais c'est quelque chose que. Parce que tu parles. C'est, en fait, c'est une kalimat dans l'arabe, c'est quoi? Ça peut être un harf. Ça peut être un ism, ça peut être un fi'al. C'est pas une parole forcément. Ça peut être aussi kadalika, une parole. Ça peut être une jumla mufida. Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha. Comme Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit Rabbir ji'un, la'alli a'malu salihan fi ma taraksa. Kalla. Ça, c'est le kafir. Il dit fais-moi revenir pour que je fasse des bonnes œuvres. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت تمام سوس لي سوس كي جي دي سي جو ريفنير جو فير دي زوف يعني سانسير قال الله سبحانه كلا ابدا انها كلمه هو قالها c'est une prétention donc là il a dit de sa, tout ce qu'il a dit رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كل هذا الذي هي c'est une كلمه c'est une جمله شيخ الاسلام تيمي a dit elle كلمه dans le kitab ou la sunna et dans le shar dans la langue arabe c'est quoi une جمله qui est mufida. Vas-y, on fait Ajib Alain Asila. C'est moi, je vous pose des questions, Inch'Allah. Bon, l'exercice numéro 3. Ajib Alain Asila Til Atiyati, Musta'amilan al-Adal al-Mathur Bayna Khosein. Il dit, utilise. Réponds aux questions suivantes en utilisant le nombre qui est évoqué entre les parenthèses. Akul lak. Entre parenthèses, t'as un 6, t'as un 5, t'as un 10, t'as un kada kada kada. Ça, c'est pas le nombre, c'est pas le numéro de Dieu, c'est pas ce qui avance, c'est après. Si je te dis Mathalan, et toi tu vas répondre. On commence par toi. Vas-y, je te dis. Kam Akhan Lak. Réponds. Andy, ça dit ça. Ah, c'est ça. Oh, Li. Parce que je te dis Kam Akhan Lak, c'est pas dit Kam Akhan Indak. Kam Akhan Lak. Ah, ouais, c'est que moi. Li, c'est. Après, comment on dit si c'est sympa. 17 Sita Tu Sita Tu Frère Akhana Non Ikhwa Ikhwana C'est Ikhwana C'est Ikhwana Ikhwana c'est mes frères Mon frère Li Sita Tu Ikhwa Sita Tu Ikhwa Sita Tu Li Sita Tu Ikhwa Ikhwa Ikhwa Tien Kam Ukhtan Lak Kam Ukhtan Lak Kam Ukhtan Lak Combien y a-t-il de vaches dans le champ ou dans le pré? Ash. Parce que regarde, c'est quoi là? C'est Bakara ou quoi? Ouais, ouais. Bakara, c'est quoi? C'est féminin ou singulier? Féminin ou. Féminin. Ashuru. Ashuru. Tu peux plus de Bakara? Bakara. Hein? Bakara. Non. Bakar. Bakar. Ashuratu Bakara. Ah. J'ai dit Ash. Kam talibatan jadidatan fil fasl. Fil fasl. في مستشفى الولادة ثماني طبيبات طبيبات vas-y pardon faisons après on inchallah on va se contenter ça il faut d'abord le chiffre c'est 6 كم قافلات vas-y في الجامعات t'as dit 6 donc je dis في الجامعات في الجامعات 6 tout t'es sûr ouais pourquoi parce que c'est pluriel vu qu'on entend des hafilat, hafilat c'est féminin. On ne va pas dire sitatu. Donc sitatu, hafilati. Tam. Al-vocabulaire dit al-vocabulaire. Al-kalimat ou al-jadida. Il dit al-majal. Ah, en fait, je ne l'ai pas vu. Hein? Al-majalla. Revue. Ah, non, je ne connaissais pas le vocabulaire. Parce que c'est une revue, une presse, majalat. Un journal. Majallat, son pluriel. Indonesia, magazine, etc. Indonesia, Indonesie. Al-Harf, c'est la lettre. Ou Al-Huruf, c'est son pluriel. Al-Harf, Kazalika, ça porte quoi? Un bord. Hein? Le bord. Le doigt? Le bord, un bord, un bord. Un bord. Un bord. Mathalan, subhanahu wa ta'ala, Ya'budullah al-Harf. Et sur une partie. Vas-y, Kalimat, Al-Kalimat, Kalimat. Donc, vocabulaire de vocabulaire. Et vous ferez l'exercice numéro encore 110, 111. Donc la fin là. On s'est arrêté à dans l'exercice numéro 3. Le numéro 7. Donc le numéro 7 jusqu'au. Jusqu'au. Pas le numéro 7. On s'arrête au 6. Le gars, c'est le numéro 3. Vous avez pris 6 choses dans le numéro 3. Ah. T'as. Donc vous faites la suite. En répondant, tu l'écris et tu réponds. L'exercice numéro 3. L'exercice numéro 4, il dit Iqra al-jumal al-atiyata wa ktubha ma'a kitabati al-a'dad al-waridati fiha al-huruf. Tu vois, il vous fait des phrases. Il dit tu dois écrire le nombre. Jazakallah khair. Le nombre, les nombres là, il faut les mettre en quoi? En lettres. L'exercice numéro 5 avec. Donc le 4, les nombres, il faut les mettre en lettres. Et le 5, uktub al-a'dad, il dit min 3 ila 10 waj'al كلا من الكلمات الآتية محدودا له. Il dit donc tu écris les chiffres de 1, de plutôt de 3 jusqu'à 10. Et il faut que de 3 jusqu'à 10, à chaque fois tu mets quoi? Le dénombré là qui est évoqué. Et tu le fais correspondre avec le chiffre. Même Tom? Et on verra après ça va dire ça. La 21, c'est plus de lecture qu'autre chose. La 21, c'est l'exercice, vite fait, mais c'est plus une leçon. Hein. Et le 22, et le 23, et une charla après, leçon. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.